On enchaîne directement avec notre prochaine invitée, c'est Chloé Moustaki. Bonsoir Chloé. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation Chloé, ça s'est décidé dans l'après-midi donc c'est toujours un petit peu compliqué mais vraiment merci. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation de Gironde Analyse. On voulait déjà dans un premier temps te féliciter, toi et puis tes collègues comme on a fait juste avant toi, on a eu Emeline et Andrea. Félicitations vraiment pour ce match à Paris, pour cette saison et puis surtout pour le maintien que vous avez arraché vraiment au mérite. Dans un match où vous vous êtes un petit peu amusé à vous faire peur parce que vous menez 2-0, ça fait 2-2, il reste 10 minutes et là c'est l'angoisse. Oui c'est sûr. On s'est fait un peu peur, c'est vrai. Enfin, on menait 2-0 et puis il y a une de mes coéquipières, Delphine Châtelain, qui me dit est-ce que tu sais que Saint-Etienne perd 1-0 contre Guingamp? Et je me suis retenue, je lui ai dit moi j'attends le sifflet à la fin pour me réjouir. Donc j'attendais vraiment la dernière minute pour être sûre qu'on se maintenait. Et après, c'est pas bien faire la langue de bois entre... Donc entre tout au long du match, vous vous êtes tenu informé de ce que faisait Saint-Etienne à Guingamp. Vous avez pas dit, des fois on entend un peu les mecs faire non, on n'écoute pas, on s'occupe de ce qu'on fait nous. Ben là, elle vient de te faire la même réponse. Oui. Elle a fait ça. Non, alors, que alors, moi, j'attends la fin de mon match. Non, alors je vais la poser différemment. Est-ce que dans la façon de préparer le match et d'aborder le match, vous avez dit... On se met minable et on s'adapte suivant ce qui se passe à Guingamp, ou est-ce que on donne tout ce qu'on a et puis on verra bien le résultat à la fin, on regarde pas ce qu'il fait à côté et on verra. Oui, on verra parce que si Saint-Etienne perdait tu peux garder le match nul. Et voilà, je veux dire, si Saint-Etienne ils en prennent 4, t'es peinard, ouais, quoi, tu peux dire voilà. Justement, petite question, vu que vous étiez. Et sinon, on peut pas répondre à ça. Elle a répondu. Elle répondra à tout. Elle va répondre, mais un peu des deux. Vas-y, Marc. Oui, justement, vous meniez 2-0 quand vous saviez que Saint-Etienne perdait 1-0. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit peu de relâchement au final? Relâchement, non, je pense pas. Je pense que Paris Saint-Germain sont une très grande équipe, donc fallait bien qu'à un moment ou un autre, elle commence à vraiment mettre de la pression. Et je pense que ça les a vraiment énervés, qu'elles perdent 2-0 contre Bordeaux, qui était vraiment en bas du championnat. Donc... je pense que pour elle voulait en mettre au moins un but pour essayer de prouver quelque chose. Après, on était fatigués, c'est la fin de la saison, donc on a fait ce qu'on a pu. Hein. Donc je pense pas qu'il y a eu un vrai relâchement. C'est contre le PSG, on voulait toujours même marquer un but, c'est extraordinaire pour nous. Donc on voulait continuer, mais on était fatigués et puis c'est des bonnes joueuses, hein, donc voilà. Chloé, Cyril. tu arrives d'Irlande. Fais attention, on t'écoute parce que Andrea vient de dire qu'elle t'aimait sur Twitter. On t'aime, mais je pense aussi qu'elle t'écoute. Attention aux conneries que tu vas dire, notamment aux questions de l'année prochaine, etc. Ouais, parce qu'on a tout à l'heure eu Emeline Laurent qui nous a dit merci pour la saison, où elle nous a dit qu'elle te souhaitait quand même un bon retour en Irlande et qu'elle viendrait te voir. Il faut que tu lui donnes les billets. Ouais, voilà. Cyril, donc attention à ce que tu vas dire. Cyril, justement, tu arrives d'Irlande, tu joues récemment là, les derniers matchs c'était Lyon, Paris. Est-ce que dans le championnat irlandais il y a des clubs de niveau équivalent, ou est-ce que c'était vraiment une année, on va dire, d'un niveau qui t'apportera pour le reste de ta carrière? Je pense que oui. Donc les équipes en Irlande, ça a rien à voir avec les équipes de Lyon et du PSG. Je pense qu'il y a des filles dans le championnat irlandais qui peuvent jouer bien sûr à ce niveau-là. Donc voilà, par exemple comme moi ou d'autres joueuses qui jouent en Angleterre, on arrive à monter à ce niveau-là quand cela est demandé. Mais bon, je pense qu'en général, je peux vous dire la vérité que le niveau en D1 en Irlande, ça a vraiment rien à voir avec le niveau ici. Et j'ai été vraiment surprise et choquée même en arrivant. En août dernier, pour la prépa, de voir qu'en fait, le niveau de foot féminin en France, est-ce que tu peux nous raconter les circonstances de ton arrivée? C'est dans le cadre de tes études? Oui, voilà, c'est ça. Donc j'étudie le commerce international en Irlande et à Dublin. Donc ma troisième année, donc j'étudie le commerce et le français ensemble. Et tu parles très bien, félicitations. C'est vrai que on dirait pas, franchement, c'est impressionnant. Tu as la double nationalité, non? Oui, je suis moitié française, moitié irlandaise, en fait. Ah, c'est pour ça. Donc tu aimes la bière et le vin, c'est ça en fait. Tu aimes la bière, le whisky et le vin. Oh les clichés. Non, ça y est. Oh, elle habite vers les lacs du Connemara. Oh les clichés, putain. Et tu écoutes Sardou. Ouais, allez, non, ça y est. Flip Sardou. Oui. Voilà, oui, donc je fallait que je passe ma troisième année en France quelque part. Et donc avant de choisir ma destination, j'ai regardé un peu. Les meilleures écoles de commerce et en même temps les meilleures équipes de foot. Et donc j'ai choisi Bordeaux pour combiner les deux, en fait. C'est toi qui as contacté le club ? Voilà, donc c'est moi, je connaissais une joueuse française qui jouait dans le championnat et je lui ai demandé de me passer, si elle pouvait, le numéro de Jérôme. Et donc je l'ai contacté en juin dernier. Mais alors, j'ai une question là qui me vient tout de suite, parce que c'est quand même un truc assez incroyable. Tu nous dis que t'as contacté le club. Emeline Laurent, juste avant toi, nous a dit qu'elle aussi avait contacté le club pour venir jouer au Girondin. Je me demande même si... Moi, je vais mettre, enfin, non, mais je vais mettre une perruque et je vais contacter le club. Alors, dans ce cas-là, j'ai une question, parce que c'est quand même une façon de fonctionner qui n'est pas banale, on va dire. Est-ce que dans le foot féminin ou même au Girondin, est-ce que beaucoup de joueuses sont obligées, entre guillemets, de faire la démarche de contacter les clubs pour trouver un club où jouer? Ou c'est... Enfin, moi, ça, je trouve ça un petit peu étonnant quand même que ça soit les joueuses, malheureusement, qui soient obligées d'appeler les clubs pour qu'on pense à elles. Oui, je pense que ça dépend des cas. Je pense que ça dépend des clubs et je pense que ça dépend des joueuses. Moi, personnellement, j'ai jamais eu d'expérience professionnelle avant cette année, parce qu'en Irlande, il n'y a aucun contrat professionnel. Donc voilà. Donc après Bordeaux, c'est leur première année en D1, donc je pense que par exemple à la trêve ils ont fait appel à des joueuses, mais avant ça ils ont essayé de faire confiance à l'équipe qui leur a fait monter en D1 et ils avaient raison aussi. Et puis à la trêve ils se sont dit ce serait peut-être une bonne idée de renforcer un peu l'équipe pour être sûr d'avoir le maintien. Et du coup, à titre personnel, le bilan de ton année, et surtout, est-ce que l'année prochaine tu repars donc en Irlande ou est-ce que tu restes Malheureusement, je repars directement en Irlande d'ici une semaine. Tu te fais engueuler par tes collègues. Je suis obligée de finir mes études, j'ai encore une année d'études à faire à Dublin, et donc après ça, je ne sais pas encore. Dans deux ans, tu es peut-être là. C'est possible. Oh, puis Bordeaux en termes de qualité de vie, puis c'est sûr. Enfin, disons qu'on voit un peu plus le soleil qu'à Dublin et les journées sont plus longtemps ensoleillées. Et puis t'as un pub toi dans toutes les trois rues, donc ça va, c'est cool quoi. Non, c'est super. Ça a été vraiment agréable, une année superbe pour moi. Et vraiment le foot, ça a été le meilleur aspect pour moi de mon année d'Erasmus. Donc je suis super contente. Et de pouvoir finir l'année avec une journée comme hier, c'est magnifique. En fait, on dit que Erasmus pour les étudiants, c'est partir en vacances. T'es en train de me dire. Oui, sauf que pour moi, ça n'a pas été vraiment ça avec le foot. J'avais entraînement tous les jours presque. Donc ça n'avait pas été vraiment la fête comme ça l'a été pour mes colocs. Mais bon, c'est un choix que j'ai fait. Et c'est un choix que je fais depuis que j'ai 13 ans avec le foot. Donc, mais après, quand tu vis ce que tu as vécu hier... au coup de sifflet final, je suppose qu'on regrette pas du tout les choix qu'on a fait, non? Ah non, pas du tout. Hein. Et même si on n'avait pas eu le maintien, je vous dis assurément que j'aurais jamais regretté ma décision de. C'est marrant parce que on entend souvent des poncifs un peu dans le foot, que ça soit homme-femme ou dans le sport en général, où il y a souvent ces phrases un peu clichés, un peu bateau, de dire c'est une défaite. Vous savez, même nous on l'a utilisé. Une défaite encourageante. Non, oui, mais même nous on l'utilise, on l'a utilisé cette saison pour parler de certaines défaites des Girondins, de dire c'est une défaite qui a le goût de victoire ou c'est une victoire qui a le goût de match nul. Tu vois ce que je veux dire? Et on a l'impression que certaines, ce qui est un événement positif, mais je veux dire, c'est pas comme si l'année dernière où Bordeaux défonçait tout le monde et puis elles sont montées tranquillement, ou si tu gagnes un trophée, c'est quelque chose de hyper positif, mais dans la souffrance et dans la douleur, et ça, ça renforce peut-être justement ce sentiment de dire la vache, on a fait un truc, c'est super quoi ce qu'on a fait, parce qu'au final, si tu... Qu'est-ce qui a le plus de valeur en termes d'émotion entre... Alors tu me diras gagner, bon, évidemment gagner, Mais en termes d'émotion, je sais pas. Est-ce que gagner un championnat où t'as qu'un 20 points d'avance sur le second, tu défonces tout le monde. Même une autre question, c'est est-ce que t'aurais préféré être maintenu il y a deux journées ou là vivre ça à Paris, qui est la deuxième meilleure équipe d'Europe. Ah, faut pas être cardiaque. Hein. La première. Vache. Je pense que l'une n'est pas meilleure que l'autre. Il y avait beaucoup de pression hier pour arracher au moins un match nul, donc ça a été pas facile aussi dans les jours précédents à se motiver mais se dire que c'est possible, parce que c'était un gros match qui nous attendait, mais bon ce qu'on a ressenti au dernier moment du match hier, ça a été vraiment quelque chose d'incroyable, et je pense que si on s'était déjà maintenu à une semaine ou il y a deux semaines, on n'aurait pas vécu les moments qu'on a vécu hier après-midi. Et alors je sais pas quel niveau c'est l'équipe nationale irlandaise, ça, ou même française. Alors, mais ça il faudra devenir professionnel. T'es international U19, c'est ça? Oui, j'ai joué. Capitaine? Oui. Et ce qui alors m'amène à une question, c'est l'année prochaine, je crois, qu'il y a une Coupe du Monde. Non, 2019, non. 2019. Ah, 2017, il y a un Euro. On est en quoi là? 2018? Ah non, on est en 2017. Ouh là là, je suis fatigué. Ouais. 2019, il y a une Coupe du Monde. Si je me trompe pas, elle va se jouer en France. C'est Si je me trompe pas, il devrait y avoir des matchs à Bordeaux. Peut-être. Donc ah est-ce... Bon oui, non, c'est pas sûr. Bordeaux, c'est pas sûr. Les matchs à Bordeaux, c'est pas sûr, mais honnêtement... Je crois que, justement, Bordeaux ne s'est pas présenté... Mais ça dépend, en fait. Ils attendent de voir l'engouement qu'il y a à ce moment-là. Oui, on verra. Non, parce que ça aurait de la gueule que tu joues capitaine de ton équipe nationale au nouveau stade, quand même. Bah oui, ça aurait de la tronche. Pour l'instant, j'ai pas eu la chance de jouer dans l'équipe senior encore, donc j'espère c'est quelque chose que j'espère d'ici deux ans. Mais donc d'ici 2019, je me vois pas être capitaine de l'équipe senior, mais et pourquoi pas, hein. Et pourquoi pas, oui. Anto Maldi nous dit sur Twitter que t'as un caractère de fou, que t'as un gros caractère. Bah, et pourquoi pas. Apparemment, rien n'est impossible pour Chloé. Ah bah c'est vrai. Bah ouais, si on le dit, alors je veux bien. Mais pourquoi pas, on a vu des trucs plus aberrants que ça dans le football. Alors qu'à Mbappé il y a 6 mois personne savait qui c'était, aujourd'hui il vaut 100 millions Mbappé, et pourquoi pas. Mais bientôt il va valoir 100 millions Bah non mais c'est vrai, t'sais. Non, vous avez raison, hein, c'est possible, j'espère vraiment. On te le souhaite en tout cas. C'est possible, mais peut-être pas à Bordeaux, parce qu'il n'y a pas de match à Bordeaux pour Non, mais par contre... Non, ce qui serait marrant, ce qui serait plutôt drôle, même si t'es pas capitaine, même si tu n'es que sur le banc, c'est que tu puisses croiser d'autres Girondines qui, à l'heure actuelle, sont aussi avec la B ou les jeunes de l'équipe de France. Et qui seront en équipe de France. Et qui, on espère, seront comme toi avec les pros. La sélection. La A, voilà, avec la section A. Ouais, ce serait super, mais j'espère pour mes coéquipières aux Girondines qu'un jour. Elles joueront aussi pour la France, et je pense qu'il y en a qui ont vraiment, vraiment les talents pour y arriver. C'est ce qui se dit en tout cas, oui, sur... Oui, Cyril ? Ouais. Rien, bon. Non, moi, j'ai plutôt envie de lui parler vu qu'elle n'est pas de Bordeaux. Dernière question, Marco. C'est comment elle a trouvé la vie en général, les gens qui l'ont entourée à Bordeaux. Il fait chaud. Oui, je me rappelle, en arrivant, il faisait à peu près 30 degrés. J'arrivais à peine à dormir la nuit, il faisait tellement chaud. Et mes premiers matchs à 30 degrés aussi, les filles, elles rigolaient parce que je buvais tellement d'eau. Mais vraiment, la vie est super agréable, très belle. Les gens sont gentils. Enfin, j'ai pas eu énormément de temps de faire des connaissances en dehors du foot et de cage, mais bon... ceux que j'ai rencontrés sont très gentils, et puis vraiment c'est une vie qui m'a vraiment plu, et j'espère si c'est pas seulement pour retourner pour voir les filles, pour y vivre quelques années dans T'inquiète pas, futures, moi j'en ai plein des amis espagnols et tout, ils sont venus, ils ont fait genre je reste un an, et ça fait 6 ans, est-ce ils sont encore là. Est-ce qu'elle est venue en même temps que les Irlandais en juin dernier là? Ah, t'étais là pour l'Euro, ça devait être quand même quelque chose de sympathique. J'étais pas encore là, je suis arrivée en août et l'Euro c'était en juin, mais t'as on pas m'a... des nouvelles de Willy Griggs par exemple. Parce qu'on a passé franchement Chloé, on a passé un mois de juin à Bordeaux, c'était la folie furieuse, notamment avec les Irlandais du nord, du sud, je sais pas d'où ils venaient, de toutes les Irlandes possibles, mais c'était quand même quelque chose génial, c'était un mois de folie, enfin c'était incroyable. Et on a appris à connaître un joueur qui n'a jamais joué, qui est Will Griggs, qui n'a jamais plus joué un match de sa vie, le pauvre garçon, mais c'était une méga star. pas l'Irlande du Nord qui était ici en plus. C'était non, c'était peu importe. C'était l'Irlande. Ils avaient un maillot vert, un bonnet vert. C'était les Irlandais, quoi. Et voilà. Est-ce que je pose ma question pourrie? Allez, ouais, c'est la... ça, voilà. On finit sur la question pourrie d'Adrien. Ah, là, et après, on a une autre question après. Quelle est ta joueuse modèle? Ah, c'est vraiment pourri. On t'avait prévenu. Mais Andrea Lardez. Oui, André Alardès. Possible, oui, bah toutes les filles du Girondin. Non, franchement, pour vous dire honnêtement, je suis pas le foot, que ça soit féminin ou masculin. Donc c'est décevant, mais j'ai pas vraiment de joueuse. C'est le plaisir avant tout. Ah ouais, Lisa nous disait pareil aussi. Allez, cette fois-ci, c'est vraiment la dernière question, Marc. Oui, ben on a tout à l'heure demandé aux filles de faire un petit mot sur, sur les précédentes. On va avoir Léa Manon après la pause. Est-ce que tu as un petit message pour elle? Pour Andrea et non, pour Léa Manon. Pour Andrea aussi. Après, pour les deux autres, oui, mais parce qu'elle t'écoute, c'est sûr. Mais c'est pour la prochaine. Léa Manon. Pour Léa Manon. Et pour Léa aussi. D'accord, bon, pour Emeline, je lui souhaite le meilleur, donc je pense que c'est une joueuse magnifique, et je pense qu'elle dans le futur, elle jouera certainement pour l'équipe de France, donc je lui veux de très belles choses. Pour Andrea, c'est une, comme moi, on dit que c'est une personne magnifique, donc je pense qu'elle ira très loin aussi dans la vie, que ce soit au foot ou dans d'autres domaines. Et pour Léa, là, elle vient d'être sélectionnée dans l'équipe U19. Donc, je pense que, comme Emeline, on la verra sur la télé dans les années qui suivent en jouant pour l'équipe de France. Parfait. Voilà. Merci. Et puis, voilà, message qu'on a dit à tous. Merci de cette année d'avoir... Parce qu'on n'était pas forcément tout le temps en train de suivre les Girondines. On n'a pas forcément parlé tout le temps de vous avec tout ce qui pouvait se passer avec les pros. Donc, on a vraiment voulu vous décerner à la soirée avec votre exploit et vous votre la maintien, voilà, vous dédiez la soirée. Ouais. Donc voilà, c'était. Vous avez fait honneur à notre maillot, à notre ville qu'on adore. Et à notre club. Donc félicitations à vous et merci d'être disponible comme ça dans l'après-midi puisqu'on vous a organisé, on a pensé à ça ce matin, donc on vous a toutes contactées vite. Merci d'avoir répondu. Si moi, je suis tombé amoureux de ta voix. Tu as une voix magnifique. Merci si certains. Pardon, excuse-moi, vas-y Chloé. Non, mais je voulais juste dire merci à vous et merci à tous les supporters qui nous ont soutenus toute l'année. On n'aurait pas pu faire tout ça sans eux. Merci beaucoup Chloé, on te souhaite le meilleur vraiment pour la suite, que ça soit dans ta carrière de professionnelle ou ta vie de femme. Ou ta carrière. Ou ta carrière tout court. Ouais. Voilà, on va te... Maintenant, elle retourne bosser en Irlande. Les vacances. On va te dire plutôt reviens vite. Reviens vite, ouais. D'accord, j'essaierai de mon mieux. Merci beaucoup, merci Chloé, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir.